La table ronde qui s'ouvre en ce moment est le second rendez-vous après le colloque qui nous a réunis en mai dernier à Rome du programme CIRILI, un acronyme comme on aime bien en France, pour City River Littoral, un programme de recherche qui s'intéresse aux conséquences des circulations dans quatre zones deltaïques ou embouchures urbanisées, comme l'a rappelé tout à l'heure Claude Saintès, le Guadalquivir, le Nil, le Rhône et le Tibre. Ces territoires de transition entre terre et mer, largement ouverts vers l'extérieur, ont été en effet profondément marqués, et cela de très longue date, par les hommes. D'ailleurs, ces territoires disposent tous d'un patrimoine monumental assez remarquable, d'un patrimoine archéologique au moins assez remarquable, ont été marqués aussi par les déplacements des hommes dans un contexte environnemental très mobile et fragile. Déplacement, variation du niveau des mers, déplacement des fleuves, et donc un milieu très fragile, à la fois pour des raisons naturelles et aussi souvent pour des causes anthropiques. La présente recherche s'inscrit donc très logiquement dans un questionnaire interdisciplinaire qui convoque les sciences de la vie et de la terre et les sciences humaines et sociales. Je ne referai pas, parce que certains l'ont déjà entendu plusieurs fois, l'historique complet qui a conduit à la naissance de notre groupe de travail. Mais je voudrais quand même rappeler très brièvement, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, quelques étapes majeures. D'abord dire que le présent programme est issu d'une recherche qui n'a porté au départ depuis 2012 que sur le delta du Tibre et le territoire placé entre Rome et la mer, donc vraiment le delta. Une recherche depuis 2012 conduite dans un partenariat entre British School at Rome, École française de Rome, Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma. Ho detto bene? Et les universités de Roma Tre et Roma Sapienza. Cette recherche, toujours en cours aujourd'hui, donne lieu d'ailleurs à Rome à un séminaire régulier. Les séances de 2014 sont en cours d'impression et nous prévoyons déjà une série de séances pour 2016. L'équipe de recherche, le groupe, disons, Roma Tevere Littoral, a une forte volonté, qu'on va retrouver dans notre groupe aussi, CIRILI, de s'inscrire dans les préoccupations actuelles des Romains. Parce que ces problèmes de circulation et de préservation, de valorisation du territoire entre Rome et la mer sont, je peux vous le dire, très fortement ressentis par l'ensemble de la société qui vit sur ce territoire. Dès 2013, le colloque que nous avions réuni autour de ces problèmes du delta du Tibre avait consacré une session à des ouvertures vers d'autres fleuves. Et parmi ces fleuves, il y avait le Nil et le Rhône, justement, avec Philippe Levaux, qui était venu nous en parler un petit peu, qui est bien connu ici. Et c'est à la suite de ce colloque, pour agrandir le réseau d'études sur ce type de territoire très particulier que sont ces deltas et ces embouchures urbanisées, que nous avons pensé à créer un dossier de demande de financement européen dans les programmes COST, qui sont justement pour faire du réseau. Et à ce moment-là, nous sommes entrés en contact avec, d'abord des gens qui étaient déjà en contact avec nous, parce que pour être dans les Bouches-du-Rhône, ils travaillent aussi sur la zone de Rome et du Tibre, c'est-à-dire les laboratoires de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, et en particulier le Centre Camille Julian, mais aussi pour le Nil, l'IREMAM, et puis l'Université de Cadix, le Centre d'études alexandrines. Nous avions même, dans le groupe COST, il y a 3 ans, nous avions même aussi des collègues roumains et des collègues néerlandais. Ce groupe n'a pas, le dossier n'est pas passé, n'a pas eu de financement européen, et nous sommes quelques-uns, les collègues d'Andalousie, le Centre d'études alexandrines, les laboratoires de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et l'École française de Rome, avec la surintendance, à nous être dit, tant pis, on essaie de trouver d'autres sources de financement. Et là est intervenu d'une part pour notre colloque de mai 2015 le LabExMed, car c'est grâce au soutien du LabExMed et à la conjonction de nos propres forces et des forces du LabExMed que nous avons pu tenir ce colloque, et puis par l'intégration aussi au sein des work packages du programme Ramsès, portée par la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et qui bénéficie d'un financement de l'initiative d'excellence de l'Université d'Aix-Marseille, ce qu'on appelle AMIDEX. Vous verrez le logo sur les programmes qui sont ici en libre disposition. Et cette table ronde marque le premier rendez-vous public, disons, de notre work package, mais elle s'inscrit dans la continuité de notre précédent colloque. Je vous recommande à tous pour en savoir un peu plus, parce que voilà, je ne vais pas pouvoir passer plus de temps sur les prémices de la présente table ronde, de consulter le site dans le carnet d'hypothèses, hein, carnethypothèses.org, hypothèse.org, le site de Cirilli ou Cirilli, si vous voulez, qu'a établi Giulia Vertecchi, qui est une post-doctorante qui a pu être recrutée dans le cadre de ce programme Ramsès et qui se trouve au premier rang avec la petite veste mauve que vous avez déjà dû rencontrer quand vous êtes un intervenant parce qu'elle vous a fait signer des papiers. Parce que vous verrez que dans ce premier colloque de mai 2015, nous avons demandé à ceux qui le souhaitaient, bien entendu, nul n'est forcé, de donner leur PowerPoint. Nous avons enregistré leur texte et nous allons le faire aussi aujourd'hui grâce au Musée d'Arles. Et nous pouvons sur ce site revoir les PowerPoint et réécouter les communications qui s'étaient déroulées en mai 2015. Nous avions, à cette occasion, étudié le rôle des voies d'eau pour la circulation des hommes et des marchandises sur nos territoires. Aujourd'hui, nous proposons d'élargir le propos et d'envisager les conséquences sur l'environnement, dans ces mêmes territoires, des déplacements des hommes et des marchandises de manière plus générale, pas seulement autour du fleuve, mais aussi par la route et le rail, même s'il sera beaucoup question de fleuve ici à Arles, ça semble normal. Notre première demi-journée sera donc consacrée essentiellement à l'impact sur le territoire des structures liées au transport, ports, aéroports, routes, voies ferrées et des infrastructures qui leur sont liées, quais, zones de stockage, parkings, etc. À partir de là, demain, nous envisagerons les conséquences de la présence de ces structures et des mobilités qu'elles engendrent. D'abord, ces conséquences à la fois en termes de menaces, mais aussi en termes parfois d'opportunités. D'abord, pour les terrains agricoles et les ressources naturelles. Ensuite, pour la valorisation du patrimoine monumental et naturel. Vous avez peut-être déjà remarqué dans le couloir qu'il y a des posters qui sont présentés à l'occasion de notre table ronde. Ils seront plus précisément, ils vous seront commentés par les auteurs quand vous voulez au moment de nos pauses. Hein, les auteurs se mettront à proximité de ces posters. Et puis, il y aura un moment particulier qui sera consacré à cette présentation, c'est demain matin. Vous avez peut-être remarqué que demain matin, le programme commence à 10h30. Les participants, ceux qui ont présenté des communications, sont invités par le musée très aimablement à découvrir celui-ci, comme l'a dit Claude Saint-Esse, entre 9h et 10h. Et de 10h à 10h30, avant de reprendre nos travaux, nous consacrerons un moment à la présentation de ces posters. Le groupe Cirilli, comme celui sur Rome-Tibre-Littoral dont il est issu, se préoccupe, je l'ai dit, non seulement de favoriser le dialogue entre spécialistes de disciplines différentes pour une meilleure connaissance des territoires, mais aussi de proposer l'expertise des chercheurs sur des problèmes de mobilité et de mise en valeur qui concernent les décideurs et la population actuelle de ces territoires. Il doit d'ailleurs se conclure à la fin de 2016 par la remise, l'établissement d'un livre blanc qui sera adressé à ce qu'on appelle souvent, même si c'est une expression un peu vague, la société civile. C'est pourquoi nous sommes très heureux de la participation aujourd'hui de M. Jean-Charles Hill, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie et délégué au port d'Arles et à l'aménagement du territoire, qui nous a fait l'honneur de présider cette première demi-journée. Et nous tenons vraiment à le remercier chaleureusement de sa présence. De même, notre reconnaissance va au directeur du port d'Arles, M. Benoît Ponchon, qui présentera en fin de journée une conférence grand public sur ce port. Enfin, mais last but not least, comme on dit, je veux exprimer toute ma gratitude et celle, je pense, de l'ensemble des membres du comité scientifique et des institutions partenaires du programme Cirilli, à tout le personnel du musée d'Arles antique, à Sabrina, à David, à tous ceux dont je ne sais pas forcément le nom, mais que je remercie très fort, qui se sont impliqués pour nous recevoir aussi magnifiquement, parce que on se rend compte à quel point on est bien reçu, et bien sûr, en particulier à son directeur Claude Saintès, et qui nous voilà ce musée qui nous reçoit vraiment à bras ouverts. Nous sommes ravis que cette rencontre coïncide avec l'inauguration demain soir de l'exposition sur l'archéologie en Camargue. D'ailleurs, c'est pas vraiment un hasard. Nous avons tout fait pour, et ça sera une occasion de plus pour nous d'être le pont, de faire le pont entre des recherches scientifiques et la diffusion vers un plus large public. Un grand merci donc. Merci aussi à tous les intervenants qui viennent, on l'a dit, certains de France, mais certains de beaucoup plus loin, d'Espagne, d'Italie et d'Égypte. Je rappelle quelques consignes pratiques pour le déroulement de nos séances. La durée des interventions est de 30 minutes au maximum. Nous aurons, à la suite de chaque intervention, un débat qui se fera dans les quatre langues, anglais, italien, espagnol, français. Nous n'avons pas de traduction simultanée, mais nous avons l'habitude de nous comprendre, et de toute manière, nous savons bien que, éventuellement, nous pouvons compter sur une entraide mutuelle pour faire passer nos questions des uns aux autres. Et j'espère que nos débats seront... C'est la formule que nous avions utilisée en mai à Rome, et je dois dire qu'elle avait très bien marché, donc j'espère que nos débats seront aussi riches que lors de ce dernier rendez-vous. Donc voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous rappelle aussi, même si ça n'est pas marqué dans le programme, que samedi matin, pour les intervenants, il y a une promenade sur les rives du Rhône qui est prévue à partir de 10h, si je me souviens bien, de 10h à midi. Éventuellement, il y a peut-être quelques places en plus. Vous pouvez vous renseigner, alors je ne sais pas auprès de qui, auprès de Marie-Brigitte ? De Sabrina, voilà, bon, auprès de Sabrina, merci Sabrina encore, voilà, elle est là, elle vous fait un signe, et voilà, je nous souhaite vraiment à tous un excellent travail, et merci encore d'être ici présents aujourd'hui.